Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Il est l'exemple accompli du guerrier de la Renaissance italienne. César Borgia est aujourd'hui au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Fils de pape, aventurier dans tous les sens du terme, protecteur un temps même de Léonard de Vinci, César Borgia aurait dû, je me le dis, aurait dû depuis longtemps avoir attiré notre attention. Et votre invité pour en parler cet après-midi, c'est Jean-Yves Borio. Il est professeur émérite de langue et littérature latine à l'Université de Nantes et spécialiste de la Rome de la Renaissance. Autant dire l'homme qu'il nous fallait. Un mot, Anissa, pour remercier nos auditeurs de leur fidélité. Nous progressons encore dans l'audience quotidienne d'Au cœur de l'histoire. Et puis, vous savez que nous battons par ailleurs des records en podcast. Alors, un très grand merci à tous pour votre belle et ancienne fidélité. Il y a quelques semaines, j'évoquais à ce micro l'extraordinaire expédition menée en 1494 et 95 par le roi de France, par Charles VIII, vers le royaume de Naples, royaume dont il considère qu'il est l'héritier. L'avancée de son armée est irrésistible. Rappelez-vous cette furia francese qui emporte tout sur son passage et s'abat littéralement sur la péninsule italique. Après Florence, atteinte en novembre 94, les Français sont en décembre face à Rome. Rome, autrement dit, face au pape Alexandre VI. Alexandre VI est un Borgia, bien entendu. Il a eu le tort de s'opposer aux ambitions françaises sur Naples. Alors, vous le connaissez, hein, ce pape Alexandre VI qui fait l'objet de plusieurs séries télé. C'est un Espagnol qui a fait sa carrière de prélat aux côtés de son oncle, qui lui-même était pape. En 1494, il a donc 63 ans, il règne depuis 2 ans. Il fait partie de ces papes de la Renaissance, à la fois brillants et hédonistes, entourés d'une cour, attachés à leur puissance temporelle. Petit détail, Alexandre VI a des enfants. Je précise que les enfants en question sont nés évidemment avant que lui-même ne devint pape. L'aîné César a alors 19 ans, il est suivi de Juan qui en a 18, d'une fille Lucrèce, la célèbre Lucrèce Borgia, et puis d'un autre garçon Geoffrey qui est un peu plus jeune. Alors que peut faire ce pape face à l'arrivée des Français? À vrai dire pas grand-chose, si ce n'est discuter pour essayer de limiter les dégâts. Parmi les clauses décidées, l'armée française va être autorisée à entrer dans Rome, mais seulement au crépuscule. Quand Charles VIII repart à la fin du mois de janvier pour fondre sur Naples, il se méfie du pape et juge préférable d'emmener avec lui un certain nombre d'otages, et parmi les otages, César, bien sûr, César Borgia. Au moment où le fils du pape devient ainsi le captif du roi de France, il est déjà, malgré son jeune âge, très avancé dans la carrière ecclésiastique. Il est archevêque de Valence, il est même cardinal. On ne peut pas dire pour autant qu'il ait vraiment la vocation. Ce que César aurait voulu, semble-t-il, c'est mener des armées. C'est la carrière ça qu'a suivi son cadet, hein, Juan, pour qui d'ailleurs Alexandre VI a tendance à marquer une préférence assez sensible. Dans son apparence non plus, César, a priori, n'a pas du tout l'air d'un grand prélat. C'est Alain Decaux qui le note, je le cite. « César est un jeune homme grand, mince, au corps d'athlète, vêtu d'un habit de soie et portant l'épée au côté, il faut regarder de près pour découvrir la minuscule tonsure qui rappelle qu'il est évêque. Il est très intelligent, ce César, très éduqué. Il porte bien son nom, que voulez-vous. Il s'exprime avec des expressions choisies. Il ne faut pas le croire lisse ou en retrait. Au contraire, César est un homme au caractère fort, un orgueilleux qui aime séduire, qui multiplie les conquêtes amoureuses. C'est un dur, un ambitieux, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, disons-le. Il a de qui tenir, me direz-vous. Charles VIII ne tarde d'ailleurs pas à le constater. Seulement 2 jours après le départ de Rome, César lui fausse compagnie. Au matin, nous raconte Jean-Yves Borio, César, qui n'avait guère une mentalité d'otage, s'était évadé, déguisé en palefrenier. Un cheval l'attendait hors du camp et il galopa jusqu'à Rome. Un ami le cacha un moment dans ses appartements. Le pape, sans doute dans la confidence de cette évasion, adressa à Charles ses excuses. « Le cardinal a mal, très mal agi, dit le pape. » Excuses qui furent acceptées. Mais César ne se contente pas de cette bravade. Il veut aussi se venger des Français et en venger Rome. Ainsi n'hésite-t-il pas à mettre sur pied une embuscade en plein Rome contre un certain nombre de mercenaires suisses qui sont au service de Charles VIII. Et tout ça, évidemment, va porter loin la réputation du cardinal Borgia. Dans les semaines qui suivent, Alexandre VI se joint à une vaste ligue. Il y a là-dedans Milan, Venise, l'Empire, l'Aragon, ligue destinée à chasser les Français de la péninsule italique. C'est une menace qui va contraindre Charles VIII à rentrer beaucoup plus tôt que prévu en France. Sa mainmise sur le royaume de Naples ne va d'ailleurs pas survivre à ce retrait précipité. Quand le pape entreprend de combattre des félons qui s'étaient alliés avec les Français, et parmi eux la famille Orsini, Cérouanne, c'est le frère de César, qu'il place à la tête des armées pontificales. À quel point César en nourrit-il une jalousie à l'encontre de son cadet? On peut poser la question, on peut discuter cette question. Autre élément qui va compliquer leur relation, il semble qu'ils ont tous les deux mis dans leur lit Sanchia, la femme un peu trop jolie de leur petit frère Geoffrey. Ah oui, vous voyez que chez les Borgia, on s'embarrasse pas tellement de principes. Il n'empêche, les frères sont toujours membres de cette même famille. Et c'est ainsi que le 14 juin 1497, ils sont conviés à un repas de fête, pas très loin de Rome, chez leur mère, Vanozza Catanei, la fameuse Catanei. Et depuis longtemps, Vanozza n'est plus la maîtresse d'Alexandre VI, mais elle reste évidemment très proche de tout cet entourage et de ses enfants, c'est bien naturel. Pendant cette soirée, un homme étrange, au visage dissimulé sous un masque, s'attarde près de Juan et lui parle à voix basse. En fait, sur le moment, ça ne surprend pas grand monde, puisque Juan est un osseur qui brûle la vie par les deux bouts et qui a tendance à s'entourer comme ça d'individus un peu étranges qui viennent souvent chercher leurs ordres alors même qu'il est à table. Sauf qu'après le repas, au moment de rentrer en direction du Vatican, Juan, qui chevauche au sein d'un petit groupe, est rejoint par le fameux individu au masque. Les deux hommes décident de quitter le groupe pour partir de leur côté dans l'obscurité. Il y a seulement un serviteur avec eux. Juan croit sûrement qu'il s'en va poursuivre la fête ailleurs. Mais la réalité est tout autre, puisque ce qui l'attend, ce n'est pas du tout une fête. Le lendemain, Juan est introuvable. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous proposez de retracer le destin de César Borgia, le fils du pape Alexandre VI. Pour l'instant, alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années, on vient de le voir, il est archevêque et même cardinal. Mais il y a un événement qui s'apprête à changer bien des choses pour lui. Son frère, Juan, a mystérieusement disparu. Est-ce qu'on sait, Franck, ce qui s'est passé? Non, mais c'est une affaire très mystérieuse. Évidemment, le pape est fou d'inquiétude. Il envoie de très nombreux serviteurs fouiller Rome dans les moindres recoins à la recherche de son fils, qui, je vous le rappelle, est son fils préféré. Et bientôt, on en recueille un témoignage. Un batelier dalmate a aperçu des hommes se débarrasser d'une dépouille dans le Tibre la nuit de la disparition de Juan. Les choses se compliquent, on oriente les recherches vers les eaux impures du fleuve. C'est encore Jean-Yves Borio qui nous le raconte. On finit par repêcher un cadavre en habit d'apparat, percé de 9 blessures, dont une profonde à la gorge. On le transporta aussitôt au château Saint-Ange, où les serviteurs le lavèrent des immondices du fleuve et le rendirent présentable. Alexandre était effondré, et de partout dans le Borgo, l'on entendit bientôt, venu d'une fenêtre de la forteresse, ces hurlements de douleur, les hurlements du pape qui a perdu son cher fils. Le pape ébranlé, qui lance une enquête, investigation semble-t-il sans résultat, et qui très vite va être abandonnée. Vous avouerez que c'est bizarre. Alors, qui pourrait être le coupable? C'est la source de nombreux débats. Il faut reconnaître que Juan a pris des risques avec son goût pour les femmes, ses activités politiques, militaires, il s'est fait toutes sortes d'ennemis. Il y a deux scénarios essentiellement possibles. Ça pourrait être une vengeance des Orsini. Les Orsini, hein, cette puissante famille rivale des Borgia, alliée des Français, que Juan a volontiers combattue. Mais un certain nombre de bons esprits vont s'orienter dans une autre direction. Et c'est le cas notamment de la veuve de Juan. Tout le monde pense à César. La jalousie du grand frère, jalousie réelle ou supposée, son avidité l'aurait poussé à commettre un crime. Est-ce parce que le pape aurait appris la culpabilité de son fils qu'il aurait fait cesser l'enquête? Ça expliquerait pourquoi tout s'arrête aussi vite. Nombreux sont ceux qui le suggèrent. Les preuves manquent, bien entendu. Dans un instant, on va demander à Jean-Yves Borio ce qu'il pense de cette affaire. Quoi qu'il en soit, du jour au lendemain, la situation de César change. C'est Alain Decaux qui l'explique. La veille de Noël, César s'est rendu auprès de son père. Il est venu solliciter l'autorisation d'abandonner la pourpre. Il a rappelé que, de tout temps, il a ambitionné de se consacrer au métier des armes. Il prie donc que lui fût accordée la dispense nécessaire. Il jure que son bras restera toujours à la disposition de l'Église. C'est ainsi que César va succéder à Juan dans toutes ses fonctions. C'est de la mort de Juan que se libèrent les ambitions de César. César voudrait ainsi s'imposer comme le défenseur de l'Église. Il devient le bras armé de son père, si je puis dire. Il entend aussi être le défenseur de sa famille. Quand je dis défenseur, à sa manière, bien entendu. Quand il apprend notamment que sa sœur, Lucrèce, attend l'enfant d'un jeune et beau serviteur du pape, qui s'appelle Pedro Calderón, il se met à la recherche du fautif. Et quand il le trouve en plein palais pontifical. Il y a une course-poursuite absolument invraisemblable dans les couloirs du palais. Pedro parvient à s'enfuir jusque dans la salle où Alexandre VI est en train de tenir audience. Il est sur son trône. Eh bien, ça n'arrête pas César. Il se jette avec sa lame sur le malheureux et le tue sous les yeux du pape. On dit même que l'habit du pape aurait été maculé de sang. Vous imaginez ça? Alors à bien des occasions, César n'hésitera pas à utiliser la plus terrible violence, puisque quelques années plus tard notamment, il ira jusqu'à tuer un des maris de Lucrèce. Mais pour l'instant, on peut dire que, ayant été rendu à l'état laïque à la fin d'août 1498, il cherche à contracter une union prestigieuse. Évidemment, quand on est le fils du pape, c'est plus facile. Il va s'intéresser d'abord à une princesse napolitaine, Charlotte d'Aragon. Charlotte d'Aragon vit en France. À cette époque, le roi de France n'est plus Charles VIII. Charles VIII est mort à Amboise, vous savez, dans ces conditions un peu idiotes. Là, il s'est frappé le front. Et finalement, c'est Louis XII qui est sur le trône. Le nouveau roi Louis XII a quelques attentes vis-à-vis d'Alexandre VI. Il voudrait lui-même se marier avec Anne de Bretagne pour récupérer son duché. Anne de Bretagne étant l'épouse de son prédécesseur. Sauf que lui-même est déjà marié. Il a une épouse fort laide, la pauvre fille disgracieuse de Louis XI. Il va donc négocier avec l'Église l'annulation de son union. Les Borgia ont quelques raisons de se montrer conciliant avec le nouveau roi de France. Dans le contexte diplomatique pour le moins compliqué de l'époque, un rapprochement entre le Vatican et la France semble une option intéressante et César va même se rendre auprès de Louis XII pour mettre la dernière main à des accords que tout le monde espère. Un réchauffement qui se traduit par un beau cadeau pour César, puisque le roi Valois, le Valois-Orléans en l'occurrence, le fait duc de Valentinois. Il accueille avec chaleur le prince Borgia et sa suite absolument impressionnante. Les festivités ont lieu à Chinon en décembre 1498. Alors, n'oubliez pas que César a des vues sur Charlotte d'Aragon qui vit en France. Il va quand même essuyer là une déconvenue puisque ni Charlotte ni son père ne veulent de cet ancien cardinal à l'origine douteuse et aux activités dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles le sont peut-être davantage encore. Soit Louis XII propose deux princesses à César, des princesses liées à sa cour et pas des moindres, puisque l'une est sa propre nièce et l'autre la sœur du roi de Navarre. C'est sur cette dernière, c'est sur Charlotte d'Albret, que César va finir par arrêter son choix. Il l'épouse en mai 1499, il a l'air tout à fait satisfait. Il affirmera l'avoir honorée à 8 reprises pendant la nuit de noces. Et très vite, elle va attendre un enfant du reste. César obtient de Louis XII le collier de l'ordre de Saint-Michel, distinction qui satisfait sa soif de prestige et qui comble son orgueil insatiable. C'est une lune de miel, en quelque sorte, qu'il est en train de vivre en France, lune de miel diplomatique qui se traduit en termes militaires, puisque Louis XII a toujours l'intention de lancer une expédition en Italie. Il revendique, comme l'avait fait avant lui Charles VIII, le royaume de Naples, mais aussi le duché de Milan, qu'il affirme tenir de sa grand-mère Valentine Visconti, et dans ce but, il lui faut avoir le pape à ses côtés. La grande expédition est lancée à l'été 99. César tient sa place dans cette expédition. Il est avec Louis XII quand il entre dans Milan au mois d'octobre. Et évidemment, c'est donc une nouvelle guerre à laquelle participe César dans un camp un peu inattendu. En marge de tout cela, César poursuit ses buts propres en lien avec son père et notamment il entend bien s'emparer de la Romagne qu'il voudrait rattacher aux états pontificaux. Il voudrait surtout en devenir le chef, lui, à titre personnel. C'est le point de départ de combats à rebondissements. Le nom de César est associé à un certain nombre de belles victoires et dans la foulée, son père lui donne le statut de gonfalonier de l'Église, ce qui signifie qu'il le place à la tête de ses armées. Hein, c'est le connétable du pape, si vous voulez. La puissance de César est désormais redoutable. Est-elle aussi solide que lui-même l'imagine ? Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi jusqu'à 15h, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de César Borgia. On vient de le voir avec vous. Son nom maintenant est associé à de très belles victoires. César Borgia est devenu un homme de pouvoir. Mais est-ce que c'est un homme de pouvoir solide, Franck ? Vous avez bien compris que César Borgia est d'une ambition démesurée et au fil des mois, ses succès, qui passent souvent par l'intimidation et par la tromperie, disons-le, il n'est pas Borgia pour rien, ses succès augmentent encore ses ambitions. Au-delà de la Romagne, il a maintenant des visées sur la Toscane. Peut-être même davantage. Je cite à nouveau Alain Decaux. Alexandre VI observe son fils d'un tout autre regard. Le chef des Borgia, ce n'est plus lui, Alexandre, que les années accablent. C'est César. Il émane de César une telle force quand il expose à son père ce qu'il entend accomplir. La Romagne n'est qu'une étape. C'est sur l'Italie entière que la papauté doit régner. Alors évidemment, ça ne va pas être aussi simple. L'Italie est divisée entre, vous savez, toutes sortes d'entités politiques. Alors là, pour le coup, c'est une mosaïque très complexe. Il faut aussi composer avec les ambitions du roi de France et avec les ambitions du roi d'Aragon. Pour l'instant, César poursuit sa stratégie aux côtés de Louis XII, mais au fil des mois et des années, le prince Borgia compte toujours plus d'ennemis redoutables, prêts à tout contre lui. Et néanmoins, le roi de France, qui manifeste une certaine méfiance à l'égard de ce remuant allié, continue de le soutenir. César est déstabilisé à plusieurs reprises par des retournements, des déconvenues, mais il semble toujours se dépêtrer des situations les plus tendues, quitte à en passer par des méthodes qui sont les siennes. Pièges, meurtres, tromperies en tout genre. Difficile de savoir ce que César Borgia serait advenu si, à Rome, un événement n'était pas venu tout remettre en cause. Et l'événement, vous l'imaginez, bien sûr. Nous sommes en août 1503. À l'issue d'un banquet, le pape Alexandre VI s'effondre. Tout comme César qui est présent ce jour-là, sauf que César va se relever de ce qui est sans doute un empoisonnement, alors que le pape, lui, ne se relève pas. Pour César, dont le pouvoir dépend entièrement du souverain pontife, c'est une catastrophe, ai-je besoin de vous le dire? Et d'autant plus qu'après un court intermède, le nouveau pape élu, Jules II, se révèle un adversaire de sa famille. Il est issu du clan des Della Rovere que détestait tellement le pape Alexandre VI. César essaie une manœuvre pour se rapprocher de lui, mais ça ne fonctionne pas. Après plusieurs péripéties, l'aîné des Borgia est arrêté. Il est transféré en Espagne pour être détenu dans une forteresse. César Borgia, résumera Machiavel, acquit une souveraineté par la fortune de son père et la perdit dès que son père n'exista plus. Oui, c'est assez bien vu, assez bien résumé, sauf que César n'a pas dit son dernier mot. Il va organiser son évasion. On est là un soir d'octobre 1506 et la corde qu'il utilise pour s'échapper de la forteresse se révèle être trop courte. Seulement voilà qu'un garde intervient, cisaille la corde. César est encore suspendu dans le vide au moment où l'on donne le coup de couteau. Vous imaginez la chute impressionnante et miraculeusement, César qui aurait dû se rompre les os ne se tue pas. Et grâce à des complices, il va parvenir encore à décamper, trouver refuge, on est là à la fin de 1506, auprès de son beau-frère, le roi Jean de Navarre. Il met bien sûr sa célèbre épée à son service. Ça pourrait ressembler au début de nouvelles aventures, mais disons-le, les aventures en question ne vont pas durer très longtemps. En mars 1507, César commet des imprudences au cours d'une expédition. Il a 31 ans à ce moment-là. Il se retrouve seul à un moment sur son cheval, acculé par des ennemis au bord d'un ravin. Il essaie de résister, seulement il va chuter de sa monture. Et à ce moment-là, de nombreuses lames s'abattent sur lui et c'est la fin. Son corps sanguinolent et délesté de son armure, armure rutilante et de la plupart de ses vêtements, César est laissé comme ça, à moitié nu, à même le sol. Son cadavre sera finalement trouvé par des alliés et enseveli dans un tombeau magnifique qui sera érigé selon le vœu de Jean de Navarre. Et sur le tombeau de César Borgia, on va inscrire ces mots qui sont cités par Jean-Yves Borioo. S'y gît, sous ce peu de terre, celui qui portait la terreur dans le monde et faisait à son gré la paix ou la guerre. Passant qui court le monde à la recherche de merveilles, si tu comprends ce qui est digne d'étonnement, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Arrête-toi. Eh bien, nous arrêter sur César Borgia, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Bonjour Jean-Yves Borioo. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Quel personnage! Évidemment, il a tout du héros de roman. La force et la vilainie, si je puis dire. Est-ce qu'on n'en a pas un peu rajouté sur la personnalité de César Borgia? Bien, avec César Borgia, il est difficile d'en rajouter parce que lui-même, quand même, a donné beaucoup d'éléments à tous les romanciers historiques qui pouvaient être intéressés par son personnage. Comme vous l'avez montré, c'est un personnage effectivement extrêmement complexe. C'est un soldat. Il faut partir de cette idée-là, c'est un soldat. Oui, même s'il commence comme cardinal, il voilà. A toujours été soldat dans l'âme. Voilà, dit, hein. Exactement. Et on lui a quand même fabriqué une destinée, parce qu'à 7 ans, il est quand même protonotaire apostolique. À 15 ans, vous l'avez dit, il est, alors dans un premier temps, il est évêque de Pampelune, ensuite il est archevêque, il est cardinal, à 17 ans. C'est vraiment, on lui fabrique une destinée. Et pendant ce temps-là, lui, il poursuit des études de droit canon, de droit civil, comme tous les, ma foi, hauts dignitaires du temps, qui ont des ambition dans l'Église. Et en fait, comme je le disais, on lui a fabriqué un destin alors que lui-même s'est toujours ressenti comme un soldat. Alors ce soldat était pétri d'ambition. D'où lui vient-elle cette ambition, lui dont le propre père est quand même devenu pape? On ne peut pas faire mieux. Ça aurait dû le calmer, si je puis dire, pas du tout. Ça ne fait que redoubler son orgueil, sa volonté de puissance. Voilà. Son ambition est autre. Lui, il voit comment fonctionne l'Église et il voit ce qui manque à l'Église. Ce qui manque à l'Église, c'est, comme vous l'avez dit, un bras armé. Et il entend être ce bras armé de l'Église. Lui, la spiritualité en général ne l'intéresse pas. Le pape combien de divisions, n'est-ce pas? Le pape combien de divisions? Eh bien, le pape va donc lui acheter, et ça va coûter très cher, va lui acheter carrément une armée avec laquelle, on l'a dit, il va organiser la récupératio, ce qu'on appelle la récupératio de la Romagne, parce que c'est très compliqué. Hein. Les états pontificaux sont, ma foi, le patrimonio, ce sont des états de petite taille. Et la Romagne, c'est une région importante. Et heureusement pour les papes, les petits seigneurs qui sont à la tête des bourgades de Romagne et qui sont leurs vassaux vont refuser de payer le tribut. Alexandre VI va sauter sur l'occasion et va dire que refuser de payer l'impôt au pape, c'est un casus belli. Casus belli, c'est-à-dire une cause de guerre, et qu'à partir de là, on va pouvoir effectivement se lancer dans la campagne. Alors, on va revenir sur les différents épisodes de la vie de César Borgia. Pour clore sur son tempérament, si je puis dire, c'est un homme très orgueilleux, oui. Très impétueux, oui. Imprévisible, on peut le dire. Un peu ce qu'on appellerait un pervers narcissique, nous, aujourd'hui, non? Un peu ce genre-là? Disons que c'est quelqu'un qui, effectivement, d'abord, n'a aucun scrupule. Aucun scrupule moral. C'est quelqu'un qui est très sanguin, hein, voire sanguinaire. C'est quelqu'un qui ne se maîtrise guère. Aussi bien dans la fête, parce que c'est un... Je vous cite, un fêtard absolument extraordinaire et très apprécié pour cela d'ailleurs dans les bourgades de Romagne dont on a parlé et qu'il a réussi à arracher à ces nobliaux arrogants qui les détenaient. Alors c'est quelqu'un qui ne se maîtrise pas sur le moment, qui est capable de tuer, comme il a tué donc Perotto, ce jeune garçon dont on parlait, mais c'est quelqu'un qui en même temps a une vision globale de la puissance de l'Église. Et oui, parce que derrière ce bras, il y a un esprit, si je puis dire. Oui, et César Borgia est tout sauf un crétin. C'est ce qu'il faut bien avoir à l'esprit pour comprendre ce qui va suivre maintenant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de César Borgia pour découvrir l'homme, son caractère, sa vie. Grâce à votre invité, Franck Ferrand, vous recevez Jean-Yves Borioo. Il est professeur émérite de la langue et littérature latine à l'Université de Nantes et spécialiste de la Rome renaissante. Alors, Revenons peut-être un peu sur cette famille Borgia. Les Borgia accèdent au grand vent de l'histoire avec Rodrigo qui devient donc ce pape Alexandre VI. Mais c'est une vieille dynastie déjà. Hein. Ils en ont fait des choses, ces Borgia, avant même Rodrigo. Ils ont fait beaucoup de choses du temps où ils s'appelaient encore des Borja. C'est-à-dire que c'était des Espagnols. Des Catalans. Des Catalans. Le terme de Catalan, on ne va pas gloser là-dessus, mais c'est aux yeux des Romains, les Catalans, le terme de Catalan englobe tout ce qui vient d'Espagne. Quand Calixte III, le premier pape de la famille, donc, meurt, on crie dans les rues de Rome, je traduis, dehors les Catalans, hein, non pas dehors les Espagnols. Mais effectivement, ce sont des gens de la Reconquista hein, et qui se sont installés dans la région de Valence, justement, après cette Reconquista, on leur a octroyé des terres, là, et c'est à partir de là qu'ils vont faire des carrières. Et évidemment, la grande carrière du temps, c'est la carrière ecclésiastique. C'est pourquoi, eh bien, Alfonso Borja va devenir un proche du roi d'Aragon, qui va l'appeler à Naples. Il va se révéler là un excellent administrateur, et c'est ainsi que, peu à peu, devenu cardinal, il s'imposera comme un pape de consensus. La famille est donc désormais, on peut dire, une famille italienne d'une certaine manière. Hein. Exactement. Ils se veulent maintenant italiens. Ils ont le droit maintenant de s'appeler Borgia d'ailleurs. Et ils se veulent une famille italienne et qui soit à peu près l'équivalent des grandes familles Orsini, Colonna, qui disposent, elles, d'assises territoriales importantes. Et qui peuvent viser à la papauté. Voilà. Mmh. Et qui se partagent d'ailleurs depuis des lustres avec les Caetani et quelques autres, ces postes de pape. Parce qu'il faut envisager la fonction pontificale comme un poste. Hein. Et lorsque l'on y parvient, on a accès à énormément de bénéfices. On peut distribuer à sa famille et à ses affidés des abbayes lucratives. Et c'est donc un poste extrêmement important. Et les Borgia arrivent là. Eux, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de territoire, etc. Donc, ils vont, comme les autres, essayer de se fabriquer une puissance et de se fabriquer un territoire. Le plus célèbre de tous les Borgia, c'est Alexandre VI, c'est Rodrigo, qui ouais. lui aussi visait bien sûr le pontificat, qui a mené une vie assez extraordinaire, pas tout à fait dans les canons de l'Église, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas réellement. Alors comme d'autres papes, il a des enfants, mais comme vous l'avez dit, il a eu ses enfants avant de devenir pape. Hein. Donc ça n'a rien à l'époque d'absolument scandaleux, parce que ce qu'on attend d'un pape à ce moment-là, eh bien, c'est qu'il assure finalement l'unité de l'Église et qu'il lutte contre les dangers extérieurs. Le danger, notamment le danger turc. Il est en cardinal lorsqu'il fréquente la fameuse Catanei, qui est sa maîtresse. Elle va lui donner tous ses enfants. Voilà, tous ses enfants. Alors, évidemment, certains spécialistes glosent sur la question de savoir s'il a eu d'autres enfants, d'autres maîtresses, mais on manque d'éléments. Et là, il va avoir tous ces enfants-là, dont il va s'occuper comme... C'est un bon père hein, que cet Alexandre VI. Et il va procurer à Vanozza Catanei sa maîtresse, des maris successifs, et qui sont des gens de, ma foi, d'excellente origine. Donc il va s'occuper d'elle, de Vanozza, même au temps où elle ne sera plus sa maîtresse. Et il va veiller sur le devenir de tous ses enfants, sa fille évidemment, Lucrèce, on le sait, et évidemment, les trois fils. Voilà les trois fils. Il va leur procurer des carrières. Alors l'aîné des fils, c'est le fameux César. Oui. Quelle éducation reçoit-il, ce fils de prélat, si je puis dire? Oui, ce fils de prélat reçoit une éducation de prélat. Alors évidemment, comme d'habitude, on est mal renseigné sur les toutes premières années, on ne connaît pas les précepteurs, mais ça c'est une règle générale. Et après, on va l'envoyer donc dans de très bonnes universités, on va l'envoyer très jeune dans ces universités, on va l'envoyer à Bologne, etc. Et c'est quelqu'un qui va avoir vraiment une excellente éducation, hein, et il va être un vrai spécialiste, comme on le disait, des deux grandes matières, le droit canon et le droit civil, qui permettent d'accéder au cardinalat. Parce que l'ambition de son père, c'est qu'une fois cardinal, César se fasse un jour à son tour élire pape. C'est-à-dire que plus on a de papes dans une famille, plus on a de papes successifs, et plus la famille est puissante à tous les points de vue, et plus la famille est riche. Bon. Or, de ce point de vue, César va décevoir son père. Il n'a en rien l'âme d'un ecclésiastique. Ah, en rien. Ça, c'est un excellent chasseur, on le sait, marqué Alexandre VI également. C'est quelqu'un qui a pris énormément de leçons d'escrime, on le sait, on l'a appris par la bande, cela. Mais c'est quelqu'un qui se pense comme soldat, et ça n'est pas du tout, il n'a pas du tout la fibre ecclésiastique. Hein. Il va le montrer très très rapidement et on n'a aucun détail qui permette de dire qu'à un moment ou à un autre, il ait été véritablement intéressé par sa fonction de cardinal. C'est très intéressant de voir à quel point l'ordre de naissance va primer dans cette affaire sur le caractère, parce qu'on peut dire de Rouen en revanche qu'il aurait sans doute pu faire un bon cardinal, lui, et qu'il aurait pu prendre la place, si l'on peut dire, de son frère. Eh bien non, c'est à lui qu'on confie l'épée et que c'est lui dont on veut faire le bras armé de la famille. Il y a une erreur de distribution des rôles, si on peut dire, dans cette fratrie. Exactement, hein. Une énorme erreur de distribution des rôles, parce que lorsque Alexandre VI rappelle Juan, qui est en train de se morfondre dans son château médiéval d'Espagne, lorsqu'il le rappelle, il lui confie les armées, ce qu'on va appeler les armées pontificales, dont il est le capitaine général, eh bien c'est l'échec. C'est l'échec. Lorsqu'il doit assiéger les châteaux des Orsini, eh bien il échoue systématiquement, mais son père ne lui en veut pas. C'est le sans sombrer dans la psychologie, c'est le fils préféré, effectivement. Mais ça n'est pas quelqu'un de doué pour les alors c'est un fêtard, c'est un osseur, lui aussi, comme vous le disiez, comme ses frères. Peut-être encore plus que son grand frère, si possible. Voilà, ça ne lui a d'ailleurs pas réussi, mais non, tous les deux, là, pour ça, sont des rois de la fête romaine. J'ai promis tout à l'heure à nos auditeurs que je vous poserai la question. Est-ce que, oui ou non, c'est le grand frère César qui a fait assassiner le cadet Juan? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Ou est-ce que ce sont les Orsini ou d'autres qui ont eu sa peau? Alors, la question est redoutable. Elle est discutée depuis très longtemps, bien sûr, et elle est discutée depuis l'époque, évidemment... Du vivant même de César. Parce que il va y avoir des rapports, et nous les avons ces rapports, des rapports qui sont envoyés par des diplomates étrangers à leurs cours respectives. Et là, les Espagnols surtout, parlent d'un grand maestro qui serait derrière cet assassinat. Ils ne le nomment jamais. C'est cela qui est également redoutable, c'est que ces gens, quand ils font leur rapport, ne désignent pas leur source. C'est le fameux si dice. On dit que une source importante dit que. Mais je vous en parlerai de vive voix. Effectivement, on ne s'avance pas par écrit, on se méfie. Et l'historien Guichardin, lui, carrément, accusera César d'être derrière cet assassinat. Alors le problème, c'est que on n'a aucun document qui permettent de dire que César aurait tué son frère. Non, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on peut déduire de la situation? Ça paraît probable, ou en tout cas plausible, non? Il a été celui à qui le crime a profité, en tout cas. Parce que du jour au lendemain, il a enfin son poste, si j'ose dire, de guerrier. Cui proteste. Mais effectivement, ça lui a réussi pleinement. Mais finalement, on peut se demander si il n'aurait pas récupéré le poste en question. Parce que, de toute façon. Oui. Parce que faut bien dire que Juan allait d'échec en échec. Puis il n'était pas non plus absolument passionné par cette vie de guerrier, Juan. Et surtout, vraiment, ce qui va dans le sens de cette hypothèse, c'est que très rapidement, le pape a interrompu les enquêtes. On a lancé des enquêtes dans différentes directions, du côté des Colonna, des côtés des Orsini, des Sforza. Et à un moment, brutalement, donc, Alexandre VI cesse de rechercher l'auteur. Alors on s'est posé la question, est-ce qu'il a été dépassé par ce qu'il avait découvert ou non? Alors, est-ce qu'il a découvert que son fils César était... Mais crime à monstrueux, c'est le pire des crimes qui soit. Mais si c'est le cas, ça expliquerait les relations pour le moins complexes qu'on va maintenant voir entre Alexandre VI et son fils César Borgia. Oui. Mais il faut bien dire autre chose pour en terminer avec ce point, c'est que à ce moment-là, c'est la guerre. On a d'ailleurs des citations d'Alexandre VI dans ce sens-là. C'est la guerre ouverte entre les Orsini et les Borgia. Hein. Et là, les Orsini, en tuant Juan, avaient le sentiment de tuer le bras armé d'Alexandre VI. Alors, c'est pourquoi cette hypothèse également est à envisager. Les Orsini ou peut-être, je n'y crois guère, César. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de César Borgia cet après-midi. Grâce à votre invité, nous découvrons cet homme. Vous recevez Jean-Yves Borio, il est professeur émérite de langue et littérature latine à l'Université de Nantes, spécialiste de la Rome renaissante et surtout l'auteur des Borgia, La pourpre et le sang, paru chez Perrin. La pourpre et le sang, voilà un sous-titre d'ouvrage qui s'imposait, si je puis dire, Jean-Yves Borio. Ce sont quand même des phénomènes, hein, ces Borgia, ils sont terribles. Nous avions fait une émission sur Lucrèce Borgia, personnalité très intéressante, très fine. Alors, peut-on dire justement de César Borgia, venons-y à cet aspect-là, qu'il est un intellectuel aussi à sa manière, qu'il s'intéresse à l'esprit du temps ? à cette renaissance italienne. Oui, alors il ne faudrait pas faire quand même de César un humaniste, une belle figure de l'humanisme renaissant, mais c'est quelqu'un, comme on l'a dit, c'est quelqu'un très éduqué, très, voilà, et même de cultivé. Hein. C'est un latiniste de très bon niveau, ce qui est une qualité très prisée à l'époque. C'est quelqu'un qui s'intéresse également à l'art. C'était un proche de Pinturicchio, qui a décoré, comme on le sait, de fresques les appartements Borgia. Il était proche d'un certain nombre d'artistes de premier plan ou de deuxième plan, mais on sait On sait que Léonard a travaillé pour lui quand même. Léonard a travaillé pour lui, mais évidemment, c'était une dimension un peu particulière, quoi, du talent de Léonard. Il l'a utilisé en tant que... Ingénieur militaire, voilà. Mm-hmm. Mais ça n'est pas à négliger. Effectivement, il a eu des relations suivies avec Léonard. Il ne faut pas passer ça sous silence. Et Machiavel va faire de lui, en quelque sorte, le modèle de son fameux prince. Alors, c'est une chose qui se discute, bien sûr. Et comme vous l'avez dit, le problème, c'est que Machiavel a été ébloui par ce qu'on appelle la velocitas de César. César est quelqu'un... L'homme de l'action absolue. Voilà, l'homme de l'action absolue. Et c'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui, à de nombreuses reprises, s'est montré un adepte de la guerre éclair. C'est quelqu'un d'intelligent. On l'a montré avec ce qu'on appelle le coup d'Urbino à Urbino. Quand il veut s'emparer d'Urbino, il demande au duc de Montefeltre, qui est le prince d'Urbino, de lui prêter une bonne partie de son armée. Le malheureux s'exécute et à peine l'armée, évidemment, a-t-elle quitté Urbino, que César fonce sur la ville et s'en empare. Et Machiavel apprend ça. Il est dans une auberge. Il trouve ça absolument extraordinaire. Oui. Et il va ainsi s'en inspirer pour dire ce que devraient être les qualités du prince. Mais il y a quand même une difficulté. C'est que il s'est bien rendu compte, Machiavel, de la faiblesse de César. C'est que César, il a agi constamment avec les armées de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire avec les armées de son père, le pape. Et ça, c'est une faiblesse substantielle. Ça, Machiavel l'explique bien. Hein. Et il a des mots terribles. Lorsqu'il rencontre César après 1503, le malheureux César qui s'empêtre dans des difficultés sans nom, là, il le rencontre et il envoie une lettre terrible à Florence, à la Signoria, en disant, je parle phrase, c'est un homme du passé, il n'y a plus aucun intérêt à s'allier avec lui, on va le laisser tomber. Voilà, au moins ça c'est du machiavélisme assumé. Absolument, de la part de celui qui est le créateur de la notion même. Voilà, sans langue de bois. Alors, César a été un grand diplomate, qu'on le veuille ou non, ça a été d'abord le début de son activité aux côtés de son père, et c'est lui qui va représenter la papauté à la nouvelle cour de Louis XII. On a un peu de mal à imaginer ce que devait être à Chinon la réception de César Borgia par le roi Louis XII, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il était d'une nature bien différente, hein, beaucoup plus tranquille. Oui, ça a été extraordinaire. Et d'ailleurs, des historiens nous racontent l'affaire. C'était le feu et la glaise. Ah oui, vraiment. Et ils se sont rencontrés. Apparemment, ça ne s'est pas trop mal passé. Mais César est arrivé à la tête d'un cortège absolument extraordinaire, un cortège rutilant. Il a voulu éblouir la cour donc de Louis XII. Il l'a ébloui, mais les Français en ont conçu d'ailleurs... L'humiliation. Ah voilà, c'est ça, ils ont été humiliés par cela et ils ont ricané également en voyant ainsi cet apparat, ce clinquant quoi, qui accompagnait finalement celui qui n'est qu'un bâtard. Et cette bâtardise, elle explique peut-être l'orgueil insensé de cet homme qui cherche toujours une forme de reconnaissance. Oui. L'ambition démesurée dont nous parlions tout à l'heure n'est peut-être qu'une des traductions de ce complexe, car c'est un complexe qu'il vit et qu'il va vivre d'autant plus que vers la fin de sa vie, les échecs se succèdent et se succèdent. Et il y a ce départ pour l'Espagne, ça c'est quand même effroyable quand même, une fin terrible. C'est une fin terrible et il sait très bien, quand il est envoyé de Naples en Espagne, il sait très bien qu'on l'envoie là-bas, et bien ma foi, pour lui faire un procès, puisque la veuve de Juan n'a pas dit son dernier mot, elle l'attend, si j'ose dire, de pied ferme, et on va l'exécuter. Il sait très bien, ce procès sera une caricature, et on va l'exécuter. On l'envoie à la mort en Espagne. Et il y a ces deux épisodes. On l'enferme d'abord à Chinchilla pour essayer dans la forteresse de Chinchilla pour essayer de s'évader. Il ne trouve rien de mieux que d'agresser le directeur de la prison. C'est l'échec total, bien sûr. Et ensuite, il va penser davantage avec son précieux aumônier, cette fameuse évasion. Sauf que la corde était trop courte, si je puis dire. Il s'en sort quand même. Il s'en sort, oui. Mais pas pour très longtemps. C'est-à-dire que la fin est assez pitoyable et assez triste. Hein. C'est pathétique. C'est un faux vaculé à la fin. On a l'impression de la curer un peu comme ça. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il est là, il est coincé, si j'ose dire, en Espagne. Et il est le condottiere et de son beau-frère, Jean de Navarre. Mais il ne sait pas du tout si Jean de Navarre ne va pas, si j'ose dire, retourner sa veste. Hein. Donc il est là, il est condottiere, il a une situation qui n'a rien d'assuré. Du côté de son épouse, il n'a aucune nouvelle. Il sait qu'il ne reviendra pas en Italie. Et cette fin est absolument extraordinaire parce que, sachant que on a réussi à transpercer les défenses de la ville de Vienne, il va se précipiter à la poursuite des soudards, hein, de Ferdinand d'Aragon, et bon, il devine certainement ce que va être l'issue de la chose, puisqu'il s'attaque à 20 soudards. Il en tue 3 déjà, mais ensuite il est, comme vous l'avez dit, très rapidement acculé devant un précipice. C'est ça, il reçoit un coup d'épée sous le bras et il va mourir. C'est une fin pathétique, absolument. Non seulement Gloria Mundi, mais la gloire de la maison Borgia. Les Borgia n'auront plus grand-chose à dire à l'histoire après tout cela. À la grande histoire, non. À l'histoire de l'Italie, oui, grâce à Lucrèce et grâce à la cour de Ferrare. Mais ceci est une autre histoire. Les Borgia, la pourpre et le sang de Jean-Yves Borioux est édité chez Perrin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et pour cette émission consacrée à César Borgia, jusqu'à 15h, il est temps d'aller sur place, direction le Vatican avec Lorena Martin. On ne le dira jamais assez. Bonjour Lorena Martin. Bonjour Franck. Quand vous êtes au Vatican, quand vous visitez notamment le musée du Vatican, précipitez-vous vers les appartements Borgia, car ces appartements, ils sont souvent un peu oubliés occultés, hein, par les visiteurs. Oui, occultés, parce que les visiteurs se pressent avant tout, bien sûr, pour voir la chapelle Sixtine. Oui. Et en descendant, ils passent par les stanze de Raphaël et laissent souvent de côté les appartements qui sont restés pourtant tels qu'ils étaient à l'époque des Borgia. Ce sont ceux où ont vécu Alexandre VI et sa famille pendant le pontificat d'Alexandre VI. Sont spectaculaires, et donc c'est Alexandre VI qui les réaménage et les restaure. Et c'est là notamment que le duc de Bicellier sera assassiné par Michelotto dans la salle des Sibylles. Alors, dès la mort d'Alexandre VI, on a recouvert les fresques de draps pour les protéger et pour marquer le changement de règne et de décor, règne, si surtout je puis dire. Parce que Jules II ne voulait en rien ressembler, bien sûr, à son prédécesseur et a préféré occulter ses appartements. Il s'est fait faire ces fameux stanze, donc les 4 chambres célèbres par leurs fresques, vous savez, peintes par Raphaël et ses élèves. Et les papes ont ensuite continué à changer de résidence. L'appartement Borgia a quand même été habité par Charles Borromée, neveu de Pie IV. Ensuite, il a abrité la pinacothèque de Pie VI, puis la bibliothèque du cardinal May. Mais ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que Léon XIII décide d'ouvrir ses appartements au public et après une très grande restauration. Et donc l'appartement comprend notamment donc 6 pièces, la salle des Sibylles, la salle du Credo, la salle des Arts Libéraux, la salle des Saints, la salle des Mystères et la salle des Pontifes. Avec des fresques extraordinaires. De Pinturicchio, bien sûr. Qui était originaire d'Ombrie, les avec quelques-uns de ses élèves. Et on lui doit en particulier la décoration picturale des chambres secrètes qui étaient réservées à son usage, enfin l'usage privé du pape, et notamment aussi la tour Borgia. Et puis n'oublions pas les objets qui sont présentés, hein, les sculptures, les peintures, etc., qui sont présentés dans ces salles extraordinaires. Oui. C'est, on peut dire, en quelque sorte, l'épicentre du musée du Vatican. Et il y a notamment une représentation de César, enfin on pense que ce serait une représentation de César sur la dispute de Sainte-Catherine d'Alexandrie, une des belles fresques. Merci beaucoup Lorena. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Il fait beau, il fait chaud et nous allons entrer dans la saison des fêtes de famille. Franck, nous aimerions donc connaître maintenant l'origine des dragées qu'on offre au baptême ou au mariage. Alors l'origine des dragées, il y a 2 pistes pour tout vous dire. Hein. C'est difficile d'établir l'origine exacte de la dragée. D'abord, ce bonbon, cette dragée, elle existait incontestablement dans la Rome antique. Et d'ailleurs le nom de dragée, ça viendrait de tragemata qui veut dire la friandise en latin. Sauf que certains nous disent que ça pourrait venir de Julius Tragatus, qui était l'inventeur du bonbon lui-même. C'est là que viendrait dragée. Ce confiseur aurait laissé tomber une amande dans une jarre de miel par hasard. Et vous savez, c'est souvent comme ça que naissent les grandes inventions, hein, d'une erreur, d'une faute. Bon, et puis il se serait rendu compte que c'était délicieux, etc. Donc, on a déjà des dragées dans la Rome antique pour les cérémonies, etc. Mais la piste que vous attendez tous, ou qu'en tout cas, on attend du côté de Verdun, je les entends, les Verts du Noir, c'est la piste lorraine, bien entendu, puisque les dragées sont la spécialité la plus célèbre de Verdun. À l'époque, seuls les apothicaires sont habilités à vendre du sucre de canne, auquel on n'attribue d'ailleurs aucune qualité nutritive. On s'en sert que pour enrober les comprimés, hein, pour faire passer les pilules, si je puis dire. Et c'est un apothicaire lorrain qui, au XIIIe siècle, aurait décidé d'enrober des amandes et des graines d'anis pour en améliorer la conservation. Il a créé comme ça, si vous voulez, une sorte de praline. Et très vite, on va s'accorder sur les propriétés bienfaisantes de cette préparation. Elles sont préconisées pour les problèmes de digestion, de mauvaise haleine, de stérilité, et donc recommandées pour les accouchés, puisqu'elles sont un symbole de fertilité. Disons-le, ça coûtait très cher, les dragées. C'était un symbole d'abord, peut-être et avant tout, de prospérité. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.